jamais su trop quoi écrire. Quand mon destin me tourne le dos, mais que faire, pleurer ou rire? Ma vie à deux, je la joue solo. Et souvent, trop souvent, je pense au pire. Et souvent, je tombe dans l'eau. Quand je crois qu'un seul sourire me fait me sentir mieux dans ma peau. J'ai jamais trop su comment faire. Rire ou pleurer ou bien se taire. J'ai jamais trop su quoi te dire dans les moments appropriés. Savoir si je te faisais sourire autant que tu l'imaginais. J'ai toujours su quoi te répondre quand pour nous deux tu te demandais. Mais autant parler à une ombre, car à nous deux devient plus jamais. J'ai jamais trop su comment faire. Rire ou pleurer ou bien se taire. L'après nous deux fut difficile, t'oublier est si compliqué. 6 mois d'attente et de dérive, 6 mois c'est long si tu savais. Dans l'état d'esprit que j'étais, la douleur morale qui s'ensuit. Se dire que je te reverrai jamais, se dire que c'est vraiment fini. Tout ça pour dire que je me rends compte que j'étais si bien avec toi, que jamais je ne trouverais ce monde qui avait la douceur de tes bras. Et même si je dois tout donner, si je dois parcourir le pays, je suis sûr qu'un jour je retrouverai ce que tu as fait de ma vie.